Elle détache ses cheveux, elle dit des mots doux, je l'embrasse dans le cou. Un désir, une envie, elle est trop jolie, elle est mon supplice, j'admire ses cuisses. Un regard, une promesse, elle fait la déesse, elle m'a ensorcelé, je veux la consommer. Un câlin, une fille, elle se déshabille, elle est formidable, je passe à table. Un reproche, une pause, elle fait une overdose, elle m'a je prépare ma valise. Un adieu, une colère, elle est terre à terre, elle s'est trop lassée, je me suis